Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les Amérindiens et l'alcool. On dit toujours, les Blancs ont fait mourir les Indiens en leur donnant ce poison qu'est l'alcool et les Amérindiens ont bu inconsidérément et ils en sont morts. En fait, on a dit ça parce qu'on ne comprenait pas le mécanisme des épidémies, puis en même temps parce que c'était utile, parce qu'on dit en somme, les Amérindiens sont disparus ou sont beaucoup moins nombreux qu'auparavant, c'est bien leur faute, ils ont trop bu. L'historien Denis Delage de l'émission Au fil du temps en octobre 1990. Pas facile de faire la part des choses quand on parle de cette histoire de la relation des Amérindiens avec l'alcool. Qu'est-ce qui appartient au mythe? Qu'est-ce qui appartient à la réalité? Quand commence donc cette histoire de la relation des Amérindiens avec l'alcool? Et comment en arrivera-t-on à cette catastrophe que représenteront l'alcool et ses méfaits dans les populations autochtones? Présentement, on appelle l'alcoolisme pose un problème. Présentement, c'est notre gros problème que nous avons à faire face sur la réserve indienne. Genre parce l'alcoolisme ou l'ivrogne, oui. Parce que la boisson cause, apporte avec elle de nombreux problèmes, soit familial, social, au point de vue travail. Enfin, c'est... la boisson qui nous donne, qui nous cause le plus de problèmes à la présent. Extrait de l'émission Sextant du 28 octobre 1964, le père Robert Gagnon qui explique au journaliste Gilles Lapointe à quel point les problèmes d'alcoolisme sont importants dans la réserve Innu de Pessamit, qu'on appelait à l'époque Betiamit, pour nous raconter l'histoire de cette relation tumultueuse des Amérindiens avec l'alcool. Mon invité, l'historienne Catherine Ferland, auteure du livre Bacchus en Canada, boisson, buveur et ivresse en Nouvelle-France. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Catherine, ce qui est intéressant de cette histoire de la relation entre les Amérindiens et l'alcool, c'est que cette histoire-là nous en dit beaucoup sur notre propre relation comme Blancs avec les populations autochtones. Absolument. Puis d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que quand on parle d'alcool et d'Amérindiens, le mot qui surgit entre les deux, c'est souvent problème. Oui. On l'entendait dans l'extrait là, juste avant. Problème. Alors que dans la culture occidentale en général, blanche, si on veut utiliser ce mot-là, l'alcool, c'est plutôt festif. Bon, il y a des épisodes moins heureux, mais il y a quand même une connotation beaucoup plus liée à la convivialité qu'on n'a pas du tout du côté autochtone. Oui. Alors ça colore définitivement là, la perception qu'on a de la situation. Et de fait, l'histoire de l'alcool pour les Autochtones, pour les Amérindiens, commence avec notre arrivée, au fond, les explorateurs européens blancs. Donc, déjà là, il y a cette histoire d'une relation entre blancs et Amérindiens, parce que avant ça, ça n'existe pas dans ces cultures, l'alcool. Ça n'existe pas ici, dans l'hémisphère nord, parce ouais. qu'il faut quand même nuancer, dans l'Amérique centrale, en Amérique du Sud également, il y a des alcools traditionnels. Donc, les populations là-bas sont habituées à gérer, on pourrait dire, les effets de l'ébriété avec ces alcools fermentés traditionnels. Tandis qu'ici, dans la vallée du Saint-Laurent, en Amérique du Nord en général, l'alcool est vraiment une nouveauté culturelle. Et ça va définitivement conditionner la façon dont ça va se dérouler ensuite. Le rapport va être teinté dès le départ par le fait que c'est une substance culturelle totalement nouvelle mm-hmm. pour les nations, les Premières Nations d'ici. Et les premiers contacts qu'ils auront, les Amérindiens d'ici, avec l'alcool, ça se passe quand, dans quel contexte? En fait, c'est assez particulier. Un des premiers témoignages qu'on a, c'est en Acadie, et ce sont les Mi'kmaq. Puis, ils sont confrontés au... ce qu'on va présenter comme étant le sang et le corps du Christ. Et tout de suite, ils vont dire, voyons, qu'est-ce que c'est que ces gens qui arrivent sur leur bateau et qui boivent du sang humain? La notion, tout de suite, là, va être teintée. Donc, parce que le vin de messe, carrément. Le vin de messe oui. est présenté comme ça par l'aumônier de bord. Et vraiment, ça va choquer profondément les Mi'kmaq. Donc, ça, c'est un peu anecdotique, mais ça montre qu'il y a une incompréhension qui va s'installer assez rapidement et qui, malheureusement, va perdurer très, très longtemps aussi. Mm-hmm. Ils vont composer comment, de fait, avec l'alcool, qu'on leur fera boire aussi? Parce qu'il faut dire que je pense que même Jacques Cartier va offrir de l'alcool aux Amérindiens. Tout à fait. Parce que ça fait partie, pour les Français, ça fait partie un petit peu des pratiques commerciales, des relations diplomatiques. On use d'alcool, on utilise l'alcool. En fait, c'est intéressant ici, Jacques, voyez-vous. C'est un petit peu les deux diplomaties qui se rencontrent. L'occidental, d'abord, qui a l'habitude de festoyer avant les pourparlers, mais chez l'Amérindien également. Il y a cette, on pourrait pourrait dire ce savoir-vivre qui exige qu'avant de commencer à parler affaires, on s'offre d'abord des cadeaux. Et comme l'Occidental va arriver avec dans ses bagages toutes sortes de bibelottes, de petites choses qu'il peut donner, mais aussi également l'alcool, mm-hmm. on se rend compte assez rapidement que les Amérindiens ne réagissent pas du tout de la même façon une fois qu'ils ont pris de l'alcool. Et ça va être utilisé assez rapidement aussi dans les rapports commerciaux parce que, bon, d'accord, on est poli, on vous offre des cadeaux, mais on choisit très bien les cadeaux en question et on se rend bien compte que ça va avantager les Européens dans la réalisation des marchés, par exemple. Ce qui fait qu'assez vite, ça va devenir carrément, l'alcool va devenir une monnaie d'échange contre des fourrures, par exemple. Oui, une monnaie d'échange, mais aussi cet ingrédient pour établir les pourparlers, comme je disais. Donc, vraiment, on va s'assurer que l'Amérindien soit déjà suffisamment enivré pour tirer un maximum. Perdre ses moyens. Oui, qu'il perde ses moyens. Et c'est là que les autorités vont dire, attention, on a détecté ce problème-là et il faut prendre garde à ménager nos interlocuteurs amérindiens. Quelle ampleur ça va prendre? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'abus sur le plan des pratiques commerciales où on utilisera sciemment l'alcool pour avoir fourrure ou autre produit à meilleur prix? Malheureusement, oui, parce que suffisamment, en tout cas, pour tirer la sonnette d'alarme du côté des autorités. Ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a des endroits... Bon, quand on est dans les villes, c'est plus facile de contrôler ça. Il faut rappeler que c'est une période où il n'y a pas beaucoup de monde sur le territoire. Donc, quand on établit un règlement, comment le faire respecter? On y va comme on peut. Dans les villes, c'est plus facile. Mais aussitôt qu'on est un peu éloigné, dans les bois, dans ce qu'ils appellent les cabanes à l'extérieur, un peu des zones urbaines, là, c'est plus difficile d'avoir un œil sur le commerce illicite qui va se faire. Et l'alcool va vraiment devenir une façon pour bien des petits traiteurs d'aller tirer parti d'un lucratif marché. Mmh. D'aller chercher un maximum de fourrure qu'ils vont, après ça, revendre à gros prix aux marchands qui repartent. Et on le sait tellement bien du côté des Blancs qui font le commerce des fourrures, par exemple, que assez vite, dans les années 1657, par là, à Trois-Rivières, par exemple, il y a déjà un cabaret. Là, oui. On attend les trappeurs amérindiens. On les attend de pied ferme, absolument. Ouais. Oui, puis dans la région de Trois-Rivières, ça, c'est assez particulier. Il va se développer une sorte de plaque tournante. Je pense qu'on peut même utiliser ce terme-là de traite d'eau de vie aux Amérindiens. Et les autorités vont assez rapidement, le gouverneur, les intendants aussi vont avoir l'œil sur cette région-là. Il y a même des dynasties de traiteurs d'eau de vie dans le coin de Trois-Rivières qui vont être vraiment surveillés par les autorités. Donc, oui, dans les années 1650, 60, même 70, ça devient vraiment un problème, on pourrait dire, de sécurité publique parce que les Amérindiens, une fois ivres, peuvent causer certains dommages dans ces endroits-là, ces endroits d'échange, ces endroits de transition. Ben justement, on écoute un extrait d'une série dramatique réalisée en 1952 par Guy Moffett qui relate cette enquête royale qu'on va créer à l'époque, enquête royale sur la traite de l'eau de vie dans la région de Trois-Rivières, justement. Cette enquête-là va se dérouler en 1666-1667. La semaine passée, en plein jour, dans les rues de Trois-Rivières, j'ai vu une sauvagesse. Dont je ne sais point le nom, mais dont je peux dire que c'est la belle-mère de Gabriel, le sauvage. Elle était en si belle ivronnerie qu'elle s'est mise comme une déraisonnée à pourfendre le canot d'Adrien Joliette, ça grave. Ce que voyant, Adrien Joliette Ursoux trouve son canot pourfendu, s'en prend l'ivronesse qui se débat comme une furie. Une vraie honte, monsieur le juge. À force de saouler les sauvages, on se ferait écharper, monsieur le juge. Comme il a failli advenir d'Adrien Joliette. Une femelle d'un bois qui défend ses petits est pas plus à redouter qu'une sauvagesse qui est en boisson. Aveux-tu et vu, Adrien Joliette est-il celui-là qui avait débité la boisson à l'ivronesse? Ça, monsieur le juge, je sais point. J'aime autant point savoir. Mais c'est pas le seul scandale dont j'ai eu vent. Mardi passé. À nuit tombante. Et c'est dans la rue du Cap. J'ai encore vu une pourroue qui tenait un enfant à mamelle, sous les ivresses, au point à tenir point de bout. Et qu'un sauvage devait la hauler. J'ai vu ça de mes yeux, monsieur le juge. Et puis j'ai vu par derrière un second sauvage, qui n'est pas d'autre que le mari de la femme à coron, qui titubait comme une chaloupe. Je peux pas assurer qu'il s'était débauché avec la femme. Mais je suis en droit de le soupçonner. C'est assez intéressant, Catherine Ferland. Cette commission, cette enquête royale, plutôt, se déroule à Trois-Rivières en 1666-1667. Qu'est-ce que ça va donner? Puis revenons un petit peu à ce qu'on vient d'entendre. C'est un extrait dramatique qu'on vient d'entendre. Oui. Mais on voit bien que c'est devenu un sujet de préoccupation. C'est un problème. C'est un problème de santé publique. C'est un problème éventuellement de politique publique. Mais qu'est-ce que ça va donner, cette enquête-là? Puis avec quel genre de problème les autorités sont aux prises à ce moment-là? Je trouve ça intéressant parce que dans l'extrait, on a un condensé d'un petit peu la grammaire associée à l'ivrognerie amérindienne de l'époque. Hein, il est question de violence, de bris de matériel, de gens aussi qui n'ont pas le souci de leurs enfants. On parle de la dame avec son bébé. Donc, il y a cette idée de rupture au niveau social qui est très, très, très importante, qui survient déjà dans ces années-là. Là, on est dans les années 1660-70. Les autorités coloniales sont très au fait de ce qui se passe dans les nations amérindiennes. Donc, il va se produire deux choses. D'une part, du côté de la législation, là, vraiment les lois, on va interdire progressivement la traite d'eau de vie à ce qu'on appelle les sauvages à l'époque, donc aux nations amérindiennes, en disant, écoutez, ça vient d'abord saper les bases de notre commerce. Les Amérindiens deviennent tellement ivres qu'ils ne sont plus capables d'aller chasser. Donc, c'est toute l'économie qui repose sur la fourrure qui est en péril si on laisse aller ça. Et donc, ça devient assez périlleux à gérer. Mais d'un autre côté, et c'est là que ça se corse, écoutez bien, c'est que d'un point de vue géopolitique, si les Amérindiens exigent de l'eau de vie dans les rapports qu'ils ont, dans les échanges qu'ils font avec les traiteurs, et que les traiteurs disent « désolé, on peut pas », il y a toujours la menace qui plane. Ces Amérindiens-là peuvent dire « écoutez, vous ne voulez plus nous donner d'alcool, on descend tout simplement à la Nouvelle-York, qui va devenir éventuellement une colonie anglaise. Mm-hmm. Donc, on va aller là et tout simplement, on va aller échanger avec eux. » Avec les Anglais. Parce qu'on est en régime français à ce moment-là encore. Absolument, on est au régime français. Donc, la menace d'aller voir l'ennemi à l'époque, de descendre un petit peu plus au sud et d'aller traiter, justement, avoir de tout ce qu'on veut, l'eau de vie y compris, c'est une menace. Et ça va peser dans la balance au niveau géopolitique. Et il y aura, on y reviendra aux interdictions législatives parce qu'elles vont vraiment évoluer. Régime français, régime anglais, absolument, loi sur les Indiens. Mais c'est intéressant de dire aussi que les religieux, les autorités religieuses vont aussi y aller de leur d'une certaine manière d'interdiction assez vite. Hein, les jésuites là, en 1613, on se rend compte qu'il y a des problèmes. On se rend compte qu'il y a des problèmes très rapidement dans la mesure où ce qu'on va observer ce sont des témoignages de première main, c'est que les Amérindiens n'utilisent pas l'alcool de la même façon. Ouais. Hein, on constate que ils prendront jamais d'abord l'habitude de le consommer à table. Donc de façon, et là je mets de gros aux guillemets, civilisés. Mm-hmm. Donc, aux yeux des Européens, c'est déjà quelque chose qui va alerter. Là. Comment se fait-il qu'ils consomment dans des contextes hors repas et de façon excessive? Il y a même une pratique autochtone qui veut que, si on n'a pas beaucoup d'alcool de disponible, on va désigner un buveur. Vous savez, nous, on a des conducteurs désignés. Ouais. Là, il y avait vraiment buveur désigné. Ah bon? Donc, de façon à atteindre l'ivresse de façon certaine. Et ça, c'est particulier. Ça nous montre que c'est un cadre mental très, très différent, un cadre culturel extrêmement singulier là, par rapport à ce qui est familier aux Européens. Parce que c'est vu pour... on y revient, ils ne connaissent pas, les Amérindiens d'ici, ne connaissent pas du tout l'alcool avant que les Blancs n'arrivent. Et quand ils la découvrent, pour eux, il y a quelque chose, à cause de l'effet d'enivrement, il y a quelque chose de mystérieux et de divin, là, de spirituel. Oui, de spirituel, fait. C'est ça. On va rapprocher ça des autres substances qu'on consomme déjà chez les Premières Nations pour... communiquer avec les esprits, par exemple, pour provoquer des états altérés de conscience. Donc, on cherche l'enivrement. On cherche l'enivrement délibérément. Et c'est là où ça devient un problème. Il ne faudrait pas non plus tomber dans le biais en disant que tout est uniquement spirituel. Là. C'est évidemment pas le cas. Mais il y a cette nature, il y a cette relation-là avec l'alcool qui va être très particulière, qui va colorer aussi le rapport. Donc, les jésuites, entre autres, et les récollets vont identifier ce problème-là en disant c'est ces enivrements-là, ce sont des ivresses païennes. Ce sont des ivresses qui viennent contrecarrer le travail d'évangélisation, de christianisation qu'on essaie tant bien que mal d'établir ici, en Nouvelle-France. Donc, ça vient finalement saboter tous les efforts qui sont mis pour évangéliser. Et ça va expliquer aussi l'ardeur avec laquelle tout ce qui s'appelle jésuites récollets, oui, mais également du côté de Monseigneur de Laval, on va pourfendre tout ce qui s'appelle traite aux Amérindiens en disant, écoutez, vous vous rendez coupable d'un crime. Là, c'est un péché. C'est un péché énorme d'aller enivrer ces pauvres âmes qu'on essaie d'arracher au diable, d'arracher à leurs errances. Donc, c'est très, très corsé là, comme discours à l'époque. Et puis, il y aura, évidemment, on y vient, toutes ces mesures d'interdiction légales de l'alcool pour les Amérindiens. Ça va arriver très, très tôt dans l'histoire de la colonie. Ça va durer très longtemps aussi. Avec quel effet? On y revient dans un instant, Catherine Ferland, mais en tout cas, tout de suite, en écoutant cet extrait du chef de la réserve Pessamite, Paul Rock, on peut comprendre que l'effet est plutôt discutable quant à son efficacité. Un Indien, quand il y a une bouteille sur lui, il se dépêche à boire, parce que le pauvre diable, il n'est pas libre. On ne sommes pas libres. On est toujours craintif dans la police montée. On se dépêche à boire. Alors, on se saoule. On sort dehors, on fait des bêtises, la police montée nous poigne, on paye d'amende. C'est intéressant, c'est troublant aussi ce qu'on entend, Catherine Ferland, c'est parce tragique. Que, ben voilà, on voit qu'il y a vraiment un cercle vicieux, on s'en sort pas, puis on constate que les fameuses interdictions, ça peut conduire carrément à des effets pervers. Là. Absolument. Ce qui va se passer, c'est vraiment, dès le régime français, il va y avoir une valse hésitation entre est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on permet. Et malheureusement, ça va pas empêcher les énormes bris culturels au niveau des différentes nations. Il y a certaines nations qui s'en sortent un petit peu mieux. Celles qui vont, par exemple, faire le choix d'interdire sur leur territoire la circulation d'alcool. Mais ces nations sont très, très peu nombreuses. En fait, dans la grande majorité des cas, on peut parler de perte de contrôle, là, carrément au niveau social. Les aînés disent, mon Dieu, la jeunesse, on n'est plus capable. Ce sont des fous furieux qui s'enivrent tous les soirs. Au niveau des nations elles-mêmes, ça devient véritablement un fléau. Et les interdictions, finalement, n'ont pas tellement d'effet là-dessus. Il se trouve toujours des traiteurs pour aller plus loin dans le bois, pour réussir à apporter quand même des barrières d'eau de vie à traiter aux Amérindiens. Donc, même s'ils sont pris, si de temps en temps on fait un exemple en place publique avec le carcan, avec le petit écriteau écrit « traiteur d'eau de vie et de couverte aux Amérindiens », donc des choses comme ça, mais c'est manifestement pas super efficace puisque on va constater année après année, décennie après décennie, qu'il y a encore des problèmes très, très importants. Sans compter ce que vous décriviez un peu plus tôt, cette ambivalence, parce que sous le régime français, on se dit « qu'est-ce qu'on fait avec la question de l'alcool. On ne veut pas se priver, on ne veut pas que ces Indiens aillent travailler pour les Anglais plus au sud. La conquête arrive. On devient donc bon sujet britannique. Et voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça va changer quelque chose. Du côté anglais, l'attitude par rapport à l'alcool et aux Amérindiens a toujours été différente. Il y a quelques chercheurs qui ont même ressorti le terme d'alcoolonialisme pour parler de cette utilisation-là délibérée de l'alcool pour aller nettoyer un territoire, par exemple. On va envoyer de l'alcool en abondance. Dans certains cas, c'est de l'alcool même qui va être un petit peu frelaté pour s'assurer que, bon, peut-être dans 2 ans, tout le monde est malade, tout le monde est mort et on envahit le territoire. C'est épouvantable. Donc, bon, tous les administrateurs britanniques n'ont pas été aussi méchants, là, entendons-nous, mais il y a eu quand même, et à plusieurs endroits, là, des choses vraiment horribles qui se sont faites. Et quand le Canada, finalement, devient britannique, cette perception-là par rapport au problème que représente l'alcool aux Amérindiens va se modifier, effectivement. Ce qu'on va voir, c'est une tentative de contrôle, mais toujours avec un biais très, très infantilisant. Ouais. Et ça, c'est très, très important aussi parce que ça explique le fait que jamais les nations vont être consultées sur la façon dont elles pourraient elles-mêmes prendre en charge ce problème-là. On va plutôt imposer des restrictions et ces restrictions-là, comme on l'entendait dans l'extrait, n'ont jamais réussi. Puis de fait, ce côté infantilisant, bien sûr, on entend tout de suite en sourdine cette fameuse loi sur les Indiens où vraiment ils appartiennent à l'État, carrément. Ils appartiennent à l'État, ils dépendent de l'État, ils sont assujettis, ils sont considérés tout simplement comme des enfants aux yeux de la loi à plein de niveaux d'ailleurs, à plein d'égards. Donc, cet élément-là, cette loi va changer de nom à plusieurs reprises, mais jamais on va faire cet effort d'aller rechercher un mécanisme ou une structure qui serait propre à la culture autochtone pour parvenir à régler le problème. Évidemment, ça va faire des ravages. Comment mesurer les ravages que fera l'alcool dans les communautés autochtones? C'est une question complexe. Je vous propose d'écouter à ce sujet le point de vue de l'historien Denis Delage. On l'entendait au tout début de l'émission dans une entrevue diffusée à l'émission Le fil du temps en 1990. L'alcool a entraîne toutes sortes de problèmes sociaux, mais l'alcool, même dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple, on considère qu'il y a un taux très élevé d'alcoolisme, ces populations-là ne sont pas en train de disparaître. Alors, c'est la même chose pour les Amérindiens, l'effet de l'alcool est largement exagéré. Maintenant, il y a effectivement un problème social de l'alcool qui apparaît, mais il n'est jamais la cause de la désintégration des sociétés. Tant que les sociétés amérindiennes sont autonomes, sont organisées, il n'y a pas de problème d'alcool. L'alcool apparaît comme un effet de la désintégration sociale. Une fois que les épidémies sont passées, une fois que la faune est plus rare, une fois que des guerres ont bouleversé les populations, une fois qu'il y a eu toutes sortes de migrations et qu'on ne sait plus d'où l'on vient et à qui on appartient, qu'on n'a plus de réseau d'entraide, l'alcool apparaît comme un indice de la misère sociale, je dirais. L'alcool, un indice de la misère sociale, au fond, plutôt que le facteur à l'origine de cette misère sociale, de cette désintégration des communautés autochtones. Moi, je pense qu'on a ici affaire à quelque chose qui est à la fois cause et conséquence, parce que on peut pas sciemment introduire une substance aussi féroce, hein, parce que là, on parle pas simplement de vin à quelques degrés d'alcool avec un petit enivrement léger et sympathique, là. On arrive avec des eaux de vie 40, 50, 60% pour ce qu'on en sait, là. Donc, c'est très difficile de gérer ce genre d'effet-là. De toute façon, à l'échelle occidentale, on le voit, l'alcoolisme comme problème social apparaît aussi dans ces années-là où l'eau de vie devient le produit majoritaire un peu partout, ouais. Le gin en Angleterre, etc. Donc, c'est quand même, je pense, il y a une finalité biologique à l'alcool qu'on ne peut pas écarter non plus en disant qu'elle n'apparaît que cette substance-là n'apparaît que quand les problèmes sont déjà installés. Non, je pense qu'il faut quand même prendre en considération que l'alcool lui-même apporte son lot de problèmes et va entretenir aussi une misère sociale. Là-dessus, je suis très d'accord avec mon collègue Denis Delage. Pour entretenir cette misère sociale-là, l'alcool va être au rendez-vous en détruisant les assises sociales. Je parlais tout à l'heure des aînés qui vont déplorer que la jeunesse s'enivre, mais au niveau des couples, il va y avoir des problèmes endémiques de violence qui vont être associés à ça. Ouais. Donc, oui, il est vrai que le fait que tout s'effondre culturellement pour les nations amérindiennes et que l'alcool a peut-être le champ libre pour ensuite faire plus de ravages. Puis au fond, l'alcool, c'est un exemple, peut-être le plus flamboyant, mais de cette intrusion culturelle, en quelque sorte. L'alcool, c'est un des éléments qu'amènent les Blancs et au fond, dont ne savent pas trop quoi faire les Amérindiens. C'est un peu ça. En fait, et ça, je pense que c'est ce qu'on peut retenir de ça, les Amérindiens vont se comporter avec l'alcool pour ces époques anciennes, mais même maintenant, un peu comme les Occidentaux avec les drogues dures. Mm-hmm. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le reconnaître, une sorte d'intoxication très profonde et qui va atteindre vraiment les assises culturelles aussi. Donc, ça, c'est très, très typique de ce que l'alcool va progressivement amener là, ici. Catherine Ferland, c'était passionnant, historienne, auteure, je le rappelle, de Bacchus au Canada, boissons, buveurs et ivresse en Nouvelle-France. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.